motango somba neno Dibenji tala sese omilema Bende bola dutia luna mwese o Jombe yanje di meneno u Afrika Gasula wasedi jede na bongo Mabola masu na isontane Motango somba neno Benji tala sese umilema Bende bola dutia luna mwese o Jombo yanje di meneno u Afrika Kasula wasedi nde na bongo Mabola masu na isontane Everybody men like this swinging Do like that swinging Everybody be like me swinging Sing like me Everybody make like me swinging Go like this, swing it. Everybody do like that, swing it. Sing like me. Patou, oh, oh, je me fais trop de soucis. Ah, patou, patou, nous avons beaucoup de problèmes. Ah, bas le tribalisme, ah, bas la corruption et l'injustice sociale, y compris le manque de respect. Patou, oh, oh, je me fais trop de soucis. Ah, patou. Nous avons beaucoup de problèmes. À bas le tribalisme, à bas la corruption et l'injustice sociale, y compris le manque de respect. Allez à Baboli, Nomba, Mendena, Naïkwa la porte. Bien à Fusino, Lendena, Naïto Popon. comment ça s'appelle?